Dossier 4, livre page 42. 1. Moi, je rêve de devenir peintre comme Nazem al-Jafari qui a peint la vieille ville de Damas. 2. J'ai déjà un recueil de poèmes que j'ai téléchargé sur ordinateur. 3. La ville où habite sa mère est une ville historique. 4. Je préfère toujours la chambre dont les fenêtres donnent sur le jardin.